Lundi en juillet, 17h, on est en direct. Je m'appelle David et avec moi pour m'accompagner jusqu'à 20h, il y a Laurence. Salut Laurence. Ça va? Ça va très bien et toi? Ça va super bien. Au taquet, il y a également Kaufman qui est avec nous. Salut Kauf. Bonjour. Ça va bien? Bien, bah lundi on a les batteries rechargées, on est prêt à repartir pour une semaine. Parfait, il y aura le Sarah le Salope dans quelques secondes. Kaufman, tu vas lever sur quoi? Bah je vais lever sur des personnes nues, hein, c'est bien connu, j'aime ça, donc il n'y a pas encore de problème. Tu fais que ça toi? Ah oui, mais elles sont en plus peintes en bleu, c'est-à-dire que l'excitation est double. Et Laurence, tu vas râler sur quoi? Sur un mec qui a décidé de transformer sa voiture pour éviter les embouteillages. Ah, la réponse dans quelques secondes pour savoir comment il a fait. Mais avant, il est 17h et 17h, c'est l'heure des infos. Fun Radio. Fun. Soldes en électroménager chez Kitchen Market. Lave-vaisselle, sèche-linge, frigo pour moins de 350 euros. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Les infos, c'est avec Carlo. Je voulais juste revenir à un truc. Dis-moi. Parce que, dis donc, t'aimes bien les gens nus peints en bleu. Oui. Ça t'excite? Oui, Avatar par contre. Ah si, moi, les Strooms, ça m'a toujours fait. Enfin, bon, ouais. Non. Les infos, salut Carlo. Salut à tous. La finale de l'Euro 2016 de football m'a un petit peu fait penser à celle de 2004, qui opposait le Portugal, pays organisateur, à la Grèce. Les Portugais, très largement favoris, avait été battu 0-1, ben hier soir c'est donc eux qui ont gagné sur ce même score contre la France, pays organisateur. Alors je sais pas trop, on va peut-être parler d'un retour de karma. Toujours est-il que c'est sans le concours de Cristiano Ronaldo blessé tôt dans la partie que le Portugal a remporté le tout premier trophée de son histoire au terme d'un parcours pas spécialement limpide, hein, puisqu'en 7 matchs il ne s'est imposé qu'une seule fois en 90 minutes. Mais bon, un grand bravo à l'équipe de Fernando Santos. Et puis comme ça au moins on va arrêter de dire que les Français ont cherché à truquer la compétition avec des arbitres achetés, hein. C'est fou le nombre de commentaires désobligeants pour nos amis et voisins que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux. Depuis 1974, j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de Coupes du Monde et d'Euro et j'avais jamais connu ça. De quoi susciter certaines questions en cette époque où le populisme et le nationalisme adorons reprennent de la vigueur, tout un débat. À propos de nationalisme, justement, c'est la fête de la communauté flamande aujourd'hui, qui commémore une autre des fêtes de la France, décidément, quand l'armée du roi Philippe le Bel avait été battue à Courtrai par des milices communales flamandes en 1302, ce qu'on a appelé la bataille des éperons d'or. Ce n'est pas aux Français que s'en est pris Guillaume Bourgeois, ministre-président flamand, lors du discours qu'il a prononcé à l'occasion de cette fête. Pas aux Français donc, mais aux francophones de Belgique. Il a dit constater que le fossé entre les politiques flamandes et wallonnes se creusait à nouveau, par exemple sur les questions de budget ou alors sur les grèves, que la Belgique était un pays fait de deux pays et qu'en 2019, il allait falloir revoir la Constitution pour donner plus de pouvoir encore aux entités fédérées. Bon, je rappelle quand même que Guillaume Bourgeois est membre de la NVA qu'il a même fondée et que tous les hommes politiques flamands ne sont pas du même avis. Les propos qu'il a tenus ont même suscité pas mal de protestations. C'est-à-dire le fait pour une région ou une province d'obtenir son indépendance n'est pas forcément une garantie de bonheur ou de prospérité. Prenez par exemple le Soudan du Sud qui existe depuis 5 ans après s'être détaché du reste du Soudan. 5 ans d'indépendance donc et 3 ans de guerre civile opposant les partisans du président à ceux de l'ex-vice-président. En fait, un conflit ethnique, comme l'Afrique en a connu trop souvent. Et ça ne s'arrange pas là-bas, vu que des combats se déroulent dans la capitale Juba. Combats qui ont provoqué la fuite de milliers de civils et la mort d'un casque bleu chinois, donc d'un membre de la force d'interposition de l'ONU. Il ne s'interpose pas des masses, faut bien dire ce qu'il est. L'ONU, dont le Conseil de sécurité vient donc de demander l'aide des pays de la région pour qu'ils soient mis fin au combat. Le conflit dont on parle très peu en Europe a déjà fait plusieurs dizaines de milliers de morts et provoqué l'exode de près de 3 millions de personnes. Fun. Fun Radio. Partez en vacances avec les conditions last minute de Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. Rendez-vous maintenant sur Volkswagen.be. Avant le Sarah, le Salom et des cadeaux à vous faire gagner, c'est la météo, Carlo. Ouais, aujourd'hui, c'était le retour des nuages et de quelques ondées. Et ça faisait longtemps, ça faisait depuis quelques jours. Et demain, ça va être le retour des... Du soleil. Des orages. Ah merde. Non, c'est une journée pourrie. Ah oh, mince. Je suis pas trop à la météo, toi. Parce que avant le soleil, il faudra attendre quelques jours quand même. Donc demain, attention, une journée compliquée avec. Ce sera bien arrosé partout avec donc des orages et des températures qui vont péniblement atteindre les 20 degrés. Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure. Je laisse avec David et le son de Dimitri Vegas. Et avec Mike, salut. Nos soldes, c'est jusqu'à moins 30% sur toutes les cuisines sur mesure. Cuisine Créfell, mon rêve, ma cuisine. Fun Radio. Ah là, c'est énorme. Are you ready? Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. Fun. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Le son dance floor. Toute la journée, partout, suivez Fun Radio. Le son dance floor. Tout l'été, 17h-20h, on prend la route des vacances. C'est que du fun sur Fun Radio. We'll be right back. Le son dance floor continue avec Era et Streffy. Avant de vous faire gagner des cadeaux, on a des jeux vidéo, on a aussi la tablette Samsung Galaxy View à vous faire gagner. Pour vous inscrire, c'est très simple, vous envoyez jeu au 3044. Mais avant, c'est le Saral Salove et on va commencer par le love de Kaufman. Oui, vous savez que j'aime la culture au sens propre comme au sens figuré. Ou en deux mots. Je vais vous parler de ces 3000 personnes qui étaient nues et peintes en bleu. Pourquoi, pourquoi prendre la pause? Eh oui, ça s'est passé dans la ville côtière britannique de Hull, dans le cadre des festivités qui se dérouleront en 2017, car la ville, la cité britannique, vient d'être élue capitale de la culture. Ouais. Et donc, le photographe britannique Spencer Smith a eu la bonne idée de faire un truc original pour représenter la mer et les vagues. Au lieu de la prendre en photo tout bêtement, il a demandé à 3000 gens de se déshabiller très gentiment, les a photographiés comme ça. Bon, ils n'étaient pas en bleu, donc l'effet est pas mal. Hein. Je vous conseille d'aller voir ça sur Internet. Vous tapez Hull, ça s'écrit H-U-2-L, et vous allez voir les joyeuses personnes, comme dans Avatar finalement. Mais ils ont fait la mer en fait, ils ont fait les vagues et tout. Exactement. Et donc on voit des formes avec des vagues. Exactement. Et est-ce qu'on détecte les personnes où on se dit vraiment « Ah mais c'est la mer, c'est les vagues ». Bah on détecte vite fait les personnes si t'es au courant. Maintenant, à première vue, c'est plutôt bien fait. Ok, très bien. Le râle de Laurence, c'est quoi? Alors moi je râle parce qu'il y a un gars en Angleterre qui a décidé de repeindre sa voiture aux couleurs d'une ambulance. Ok. Ouais, parce qu'en fait il voulait éviter les embouteillages et je pense qu'on a tous marre des embouteillages. Et lui il a décidé de faire ça, donc il a carrément mis un gyrophare et tout. Et il y roulait très très vite, donc il faisait vraiment tout comme les ambulances. Et au final, il a juste ramassé une amende de 1000 euros et quelques points en moins sur son permis. Et je trouvais ça un peu léger quand même pour ce qu'il a fait et de très mauvais goût. Donc voilà. Ouais, c'est vrai, très mauvais goût cette histoire de repeindre sa voiture, même si on en a marre. C'est vrai, des embouteillages, j'en peux plus. Kaufman, t'en utilises tous les jours des embouteillages, toi hein? L'ambulance, oui. c'est pour me faire transporter, pour me faire soigner. Oui. Allez, la suite, ça se passe avec le jeu du combien ça coûte. J'ai un prix en tête, à vous de deviner à quoi il correspond. Et tout ça, ça se passe au 3044 pour gagner vos cadeaux. Ça se passe juste après Era et Streffy avec Bonne Bonne. You made out of the quiet melt what not say your day. Bun bun, Evanus is buns bun. Dun dun, bet you wanna taste it. Bun bun, bet you wanna taste it. Get your chitty dun dun dun. Bun bun, Evanus is buns bun. Dun dun, bet you wanna taste it. Bun bun, bet you wanna taste it. Get your chitty dun dun dun. L'été, C'est sur Fun Radio que ça se passe. This is fun. Fun Radio. C'est le son qui va débarquer sur Fun Radio. Là, j'ai des cadeaux à vous faire gagner avec le combien ça coûte. Le principe est simple, je vous donne un prix. Il faut me dire à quoi ça correspond. Kaufman et Laurence vont poser des questions pour vous aider. Et pour me donner la réponse, c'est très simple. Vous envoyez un SMS au 3044. Le prix du jour, 85 euros. À quoi correspond ce prix? J'attends vos questions, Kaufman et Laurence. On commence avec Kaufman. Est-ce que c'est un produit électronique? C'est un produit électronique? Non, c'est pas un produit électronique. Est-ce que ça a une taille particulière? Oui, oui. D'accord. Est-ce que on s'en sert pour s'amuser? On s'en sert, non, pas pour s'amuser. C'est pas un truc de divertissement. Est-ce qu'on peut le transporter? Difficilement. Appareil outil professionnel? Oui, non. Ça peut être pro, mais on peut en avoir à la maison. D'accord. Est-ce qu'il est dans une pièce précise de la maison? Bon, oui et non. Est-ce que tout le monde en utilise? Surtout à une période. Pas tout le monde, mais à une période, il y en a beaucoup qui l'utilisent. Il y a une période précise pour l'utiliser. Est-ce qu'il y a un âge précis, en fait, pour l'utiliser? Non, pas vraiment. Allez-y, donnez votre réponse au 3044 pour gagner des jeux vidéo, des goodies, des packs fun, etc., etc. Est-ce que ça s'utilise en intérieur? À l'intérieur, oui. Ouais. C'est un objet d'intérieur. Est-ce que... Donc c'est en été qu'on l'utilise? Ouais, c'est en été. Okay. Est-ce que l'utilité de cet objet à avoir avec la température. Oui. Ah oui. C'est bien ça, Kaufman. Ça réfléchit là-dedans dans ce front. Oui, un petit peu. Ça chauffe le front, dis donc. Ça chauffe, ouais. Allez-y, donnez votre réponse au 30-44. Ce n'est pas une chaise, non. Ce n'est pas une table non plus. Laurence, une question. Est-ce qu'il peut faire deux choses en même temps? Non, il fait qu'une chose. Il a une fonction principale. Il sert en été. Il sert surtout à la maison. Il a sûrement servi ce week-end. Il va pas servir demain. Je peux vous le dire. Ok. Donc en clair, il sert à refroidir. Il sert à refroidir. Je crois que j'ai trouvé. T'as trouvé la bonne réponse, ouais, toi, pour je toi. Crois que j'ai trouvé. Pour gagner vos jeux vidéo, c'est très simple, vous envoyez tout ça au 3044. On me dit une piscine. Non, ce n'est pas une piscine. Le numéro qui termine par 63, la bonne réponse. Le numéro qui termine par 19 aussi, 64 aussi, 97 également. Allez-y au 3044 pour gagner vos jeux vidéo. C'est très simple, hein, c'est un objet. Il y a quelqu'un qui me dit, tu vois la réponse, Kaufman, qui est arrivée. Ouais. Laurence, vous voyez la réponse, ouais, là. Ouais, ouais. Est-ce que je peux l'accepter, la réponse? Ah bah non, c'est pas un climatiseur. Ah, c'est pas un climatiseur. Il l'a balancé la réponse. Ce n'est pas un climatiseur. Mais on n'est pas très loin, hein. Je peux pas l'accepter, climatiseur. Malheureusement, mais vraiment, c'est. Ouais. En plus, ça coûte beaucoup plus cher que 89 euros, je sais plus. 85. Le climatiseur? Ouais. Ah, ok. Ouais, ça coûte que 85 euros, hein. On me dit un barbecue. Non, un barbecue, ça ne sert pas à refroidir. C'est l'inverse. Ça me sert à la maison. Ça sert. Ça tourne. Il y a des hélices. On peut l'avoir, ouais, aussi sans hélices, quoi. Moi, ouais, j'ai tout dit, quoi. Allez-y, au 30-44 pour gagner vos jeux vidéo. On prend le gagnant juste après Kungs sur Fun Radio. Et il y aura aussi le Fun Beauty de Laurence. Party all night, all summer. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest clubbing. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique, c'est sur Fun Radio. Cette semaine, chez Lidl, 36% de réduction sur l'escalope de dinde, soit 6,99€ le kilo. Cuisinez cette bonne escalope à votre fils maintenant, parce que plus tard, il sera plus dingue de Dorum que dingue de dinde. C'est dingue. Les produits frais de chez Lidl, pour tous ceux qui comptent. Fun Radio. Fun Radio. Comment tu te llamas, yo no sé. De dónde llegaste, ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Óyeme, mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí. No importa idioma ni el país, ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti. Una noche de aventura hay que vivir. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. ¿De dónde llegaste? Ni pregunté. Lo único que sé que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Yo pendiente a ti, como bailas así con ese movimiento, mi no. Me voy acercando hacia ti y te digo suave el oído. Escúchame, mami, yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Y tú me dices, estás muy loco, deja eso, mami. Yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Me muero por llevarte. ¿Cómo tú te amas? Yo no sé. Money. say N-A-E-C-K Nicky, Nicky, Nicky Jam Saga White Black La Industria Inc. C'est que du fun 17h-20h sur Fun Radio. Découverte Fun Radio. La découverte Fun Radio du jour, c'est Eva Simons. On est ensemble jusqu'à 20h, c'est que du fun dans Fun Radio. Oh Lord, have mercy on me. I don't know what I'm doing. Hope I will be just fine if I let my feelings out. For real, I had a good time. Just had enough of your mind. Can I really let you go? No. You go, go, go, go, go, go. I'm old. can't escape, hey, hey, escape from love. And I don't wanna die, but I can't escape, hey, hey, escape from love. Le duo de l'été, Benny Benassi, Chris Brown. Ça arrive dans un instant, mais on était dans le combien ça coûte. J'avais un prix en tête, c'était le 85 euros. Et il fallait me dire à quoi correspond ce prix. Et j'accueille avec nous Nathalie. Salut Nathalie. Salut, bonsoir à tous. Salut, ça va Nathalie. Hello. Oui, oui, oui. Travail fini. Voilà, on rentre à la maison, c'est parfait. Un petit cadeau sur le chemin, c'est super. Tu travailles dans quoi, Nathalie? Je travaille en parfumerie. Je suis déléguée pour une marque de luxe. Ah, oh, madame, excusez-nous. Une marque de luxe? Ouais. Chanel? Oui, tout à fait. Non, Guerlain. Ah, la petite robe noire. Voilà. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est ça, la petite robe noire. D'ailleurs, il y en a une nouvelle qui sort fin du mois. Il faut venir la tester. Ouais. Bah voilà, parfait, on ira te voir. Nous inviter d'abord. Tu habites dans quel coin? Tu habites à Namur, c'est ça, Nathalie? C'est ça, j'habite exactement à Airpont. Très bien, donc le prix était de 85 euros, Nathalie. À quoi correspond ce prix pour toi? Un ventilateur. Pour toi, c'est un ventilateur. Attention, la machine, on va vérifier. Belle radio. C'est gagné Nathalie, bravo, bravo. Ah, super. Tu repars avec un cadeau Fun Radio, c'est pour nous, c'est cadeau Nathalie. Super, génial. Bon, bonne soirée Nathalie. Bonne humeur. Tu vas faire à manger ou pas? Pardon? Tu vas faire à manger? Ah non, ça c'est monsieur qui s'en charge. Oh, la monsieur chance. Va faire à manger. Pourtant quand elle fait à manger, oui. Ça sent bon. Ah oui, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance, c'est toujours monsieur qui cuisine et qui va faire les cours. Ah bah, faut bien le garder. Ouais. Hein. Ne le quitte pas Nathalie. Allez, bonne soirée. Je pense, oui. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bisous, bisous. Bisous, salut. Il y a le fun girly qui va débarquer avec Laurence. On va parler de quoi? Fun beauty, excuse-moi. On va parler des coups de soleil et comment les soulager. Très bien, t'as une solution à nous proposer? J'en ai trois. Trois solutions à nous proposer. Et, oui. Et en plus, moi j'ai attrapé un coup de soleil, j'étais à la mer ce week-end. Bah et j'ai attrapé on va en parler aussi. C'est gentil, allez, ça se passe juste après Benny Benassi, Chris Brown, Paradise sur Fun Radio. If I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Tonight. On continue avec Cheat Code sur Fun Radio. C'est le moment de parler beauté avec Laurence et le Fun Beauty. Toutes les nouveautés beauté dans le Fun Beauty avec Laurence. Et comment se débarrasser d'un coup de soleil, Laurence? Exactement, enfin comment le soulager en fait? Parce que donc ce week-end on est parti à la mer avec toi David. Ok, ouais. Et comme d'habitude, à chaque fois que tu t'exposes 2 minutes au soleil, tu prends un coup de soleil. Ouais, ça arrive à plein de monde. Ça, je suis sûr que ce week-end, quand j'étais au parc bronzé, ça arrive à tout le monde. Ça, exactement, le coup de soleil. Donc moi j'ai directement pensé à nos auditeurs. Je me suis dit, mais attends, il faut trouver quelques petites astuces pour leur dire comment les soulager. Ouais. Et donc la première petite astuce, c'est tout simplement de prendre du concombre, d'en couper quelques tranches et de les mettre en fait sur la brûlure, sur la petite rougeur. Parce qu'en fait, dans le concombre, il y a beaucoup d'eau et donc ça permet de réhydrater et d'apaiser la douleur. Comme un masque de visage. Ouais, c'est un peu ça. Exactement ça. Et ça fonctionne aussi avec la tomate. En plus, t'es jamais contre une petite rondelle, toi. C'est dégueulasse. Deuxième astuce, Laurence. Donc la deuxième, c'est encore plus fort. C'est du yaourt. Yaourt. Ouais, exactement. Bah, c'est assez surprenant, c'est assez bizarre, mais en fait, c'est vraiment un remède miracle. Moi, personnellement, je l'ai testé. Et en fait, il suffit de mettre une couche assez épaisse de yaourt, de laisser reposer 15 minutes. Mais n'importe quel yaourt ou un yaourt particulier? Non, vraiment n'importe lequel. Enfin, celui surtout enrichi en matière grasse quand même, c'est okay. Mieux. Et donc voilà, on laisse reposer 15 minutes, après on rince avec de l'eau très froide et vraiment, c'est vraiment miracle, miracle, miracle. Ok, c'est magnifique ça. Et la troisième. C'est tout simplement les crèmes et les pommades qu'on connaît bien, mais surtout la Biafine, parce qu'elle est vraiment connue et reconnue pour ses vertus apaisantes. Et donc voilà. Donc pour partir en vacances, il faut du concombre, des tomates, du yaourt et de la Biafine. Le pack est fait. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas au 3044, venez nous le dire. Laurence va vous dire si c'est bon ou c'est pas bon. Exactement. Pour votre santé, dans quelques minutes, on aura le Fun Game de Kaufman. Il a encore plein de news. T'as été en chercher ce week-end des news. Hein. Oui, il y a eu de l'actualité. On vous parlera notamment aujourd'hui de South Park, mais encore de Tomb Raider, le film. Ou bien de Sega. Bah oui, Sega, c'est plus fort que toi, comme tu le sais. Il y aura également la Samsung Galaxy View à vous faire gagner. Ça se passe dans quelques secondes, juste après Cheat Code sur Fun Radio. Le titre, c'est Sex. On est ensemble jusqu'à 20h. C'est que du fun sur Fun Radio. Sex. Sex. David Guetta débarque sur Fun Radio avec l'hymne de l'Euro. C'est devenu la chanson préférée des Portugais, ça, maintenant, hein, depuis hier soir. Pour les conseils, j'arrive plus à dire le mot. Les coups de soleil pour coup de soleil, faire disparaître. Voilà. J'avais perdu les deux. Bah, c'est normal vu comment ça a tapé sur ta tête ce week-end. J'ai perdu le mot pour les coups de soleil. Il y a Sophie. Il fait des grands gestes et tout. C'est quoi le mot coup de soleil, voilà. Pour les coups de soleil, eh bien, il y a Sophie qui nous dit, moi j'ai testé avec du vin rouge, Laurent. Ah, mais je connaissais pas. Bah, ouais. On testera, hein, sur toi. Attends, c'est pas. Logique. Tu vois une bouteille de vin rouge, t'as plus de coups de soleil. Dans le fun game, on va parler de quoi, Kaufman? On va commencer par parler de South Park. Vous savez, les petits bonhommes, Cartman, Kyle et tout ça. Ah oui. Eh ben, ils reviennent une deuxième fois en jeu vidéo, on en parlera et on a le bon plan à vous filer si vous aimez la série. Très bien, sur quelle console? Sur les consoles next-gen, PS4, Xbox One et même PC. Parfait, on dévoile l'info dans quelques secondes, ça te va, Kaufman? Avec plaisir. Ça se passe juste après David Guetta, This One For You sur Fun Radio, c'est que du fun, on est ensemble jusqu'à 20h. Yo yo, c'est MHD, David Laurence Kaufman, c'est la Champions League. Bah, bah, bah, bah. Hello party people, nous c'est Jules et Tom. Ouais, on a toujours pas réussi à avoir de tickets pour Tomorrowland cette année. Du coup, on a construit le nôtre en maquette. Ouais, genre un mini Tomorrowland avec des figurines de tous les pays. Ouais. Mais tout est là, hein. On a recréé les scènes, le camping, l'espace VIP. Hey, on a même l'hélicoptère qui lance des confettis. Regardez. Hey, prends l'hélicoptère. Ah ouais. Ouais, les confettis. Ouais. Pas dans la bouche, Tom. Ah, pardon. Tu préfères le vrai? Tente de gagner une expérience Tomorrowland exclusive et le jackpot loto avec l'auto surprise. Dis, la Suzy de la boulangerie a encore fait très fort. Non. Tu te souviens, elle avait réservé un vol sur thomascookairlines.be. Oui, alors? Alors, elle est rentrée avec un maître nageur espagnol. Oh, c'est pas vrai! Qu'est-ce que tu fais? Bah, je réserve aussi un vol sur thomascookairlines.be, tiens. Réservez votre vol à partir de 49,99€ sur thomascookairlines.be et envolez-vous au soleil avec nous. In the summertime, faut passer chez Hyundai. On y va à fond avec les Summer Big Deals. Nos véhicules de stock à prix vraiment, vraiment très, très, très réduit. Cet été, passez chez Hyundai et profitez de réductions allant jusqu'à 35% sur plus de 400 modèles de stock. Surfez vite sur Hyundai.be car les plus rapides seront les premiers servis. Infos et conditions sur Hyundai.be. Hyundai. New thinking, new possibilities. Le son Dance Floor. Fun. Fun Radio. I like crashing waves, but I wanna see them at first light after a long night. And see the sky take shape, but I wanna see the stars burn after I had my turn. And ooh, you're working so hard, you played your card, supposed to pay off. And ooh, big talk is cheap, you gotta go deeper than deep to get me off. Control. Don't you know I want it all? Put your hands against the wall. I'm in control. 17h et 20h. Profitez, c'est que du fun sur Fun Radio. Débarque sur Fun Radio. Mais avant, c'est le Fun Game Kaufman. Tu es prêt, mon Kokoff? Oui, bien sûr. C'est parti, le jingle. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Alors, quoi de beau, Kaufman? On va parler de South Park qui revient après le bâton de la vérité. C'était le premier épisode. Eh bien, les petits aventuriers de South Park reviennent dans un titre qui s'appellera L'Anal du Destin. Hein, je vais m'économiser tout commentaire sur le titre. Et ce qu'il y a toujours de très sympa dans South Park, c'est forcément c'est les voix des personnages, c'est les dialogues. Et dans le premier épisode, il y avait un truc qui était pas super cool, c'est que il y avait que les dialogues en anglais. Ah alors non, pour les puristes c'est bien, mais pour ceux qui comprennent pas forcément, c'est un peu dommage. Et Ubisoft a rassuré tout son monde en faisant remarquer que cette fois-ci, il y aurait des doublages dans presque toutes les langues et donc le français. C'est plutôt un bon plan pour ceux qui ont envie de le précommander. Il sortira à la rentrée prochaine. Et si vous le précommandez chez Smart Toys, vous avez peut-être la chance de remporter Cartman en géant. Non. En figurine géante. Trop bien. C'est vrai? Ouais, presque un mètre de hauteur. On vous offrira la figurine si vous êtes tiré au sort. Foncez vite sur smartest.be ou dans un de nos 19 magasins et vous aurez peut-être la chance de le précommander. Il faut faire quoi en fait? Faut précommander le jeu? Exactement, c'est tout. Ok, c'est tout? Oui. Et après, au tirage au sort, on peut gagner la grande figurine. Exactement. Ah, c'est magnifique, ça. De Cartman, Smart Toys. Cartman déguisé en Cartman Raccoon. Parfait, ça. On va se faire quoi dans une heure, la deuxième info du Fun Game, c'est quoi? On parlera d'une femme que je désire depuis des années. Ah. Une femme qui s'est toujours refusée. C'est qui? Lara Croft. On en parle tout à l'heure, juste après DJ Snake, qui aura aussi les meilleurs moments de la PO. Alors, c'est que du fun jusqu'à 20h. Calvin Harris et Rihanna, c'est le son qui va arriver sur Fun Radio. Et la PO Hour, c'est de septembre à juin, là ils sont en vacances, mais on a les meilleurs moments de l'émission. Et là c'est Keke qui faisait de la traduction, il a traduit des chansons en anglais en français. Tu vois, Kaufman, c'est cool, hein, c'est un bon principe. Et c'est une nouvelle chronique Keke du Standard à tester. Et je vous propose de la réécouter maintenant. Nous, on revient juste après. On est en direct, c'est que du fun jusqu'à 20h. Écoutez, ça s'est passé dans la Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Il y en a un qui va riper ici, c'est Keke aujourd'hui. C'est Keke, attention. Le Keke du Standard n'est pas simplement le Keke du Standard. Il est bien plus que ça. Le Keke du Standard propose des choses. Et aujourd'hui, il va nous faire une nouvelle chronique dans cette émission. Ça, j'aime, Keke, quand tu prends des initiatives comme c'est ça. Gentil. Oh, t'es un homme de poigne, Keke. Ça, c'est un homme avec arrête, des poignes. Tu vas y croire. Et c'est pour le booster un peu avant sa chronique. Ouais. Bon, ça parle de quoi ton truc? C'est donc les versions originales que tout le monde chante, les chansons et tout. partout et en fait que personne ne sait les vraies paroles. Et sinon en français ça donne quoi? C'est ça, non, ça donne pas ça. Ouais, donc t'as pris des chansons en anglais, voilà, et t'as ça. Traduit ce que ça voulait dire, voilà, c'est ça. Mais genre c'est toi qui vas chanter en français? Non, pas du tout, j'ai eu l'aide d'une youtubeuse française. Ah voilà, ouf, voilà. Sauvé, voilà. Et c'est quoi la première chanson? Alors c'est Justin Bieber, Love Yourself, et donc tout le monde croit vraiment que c'est une histoire d'amour, enfin voilà, il parle de love, machin et tout, tout le monde a dragué là-dessus. Écoutez ça. Et c'est beau ça comme chanson d'amour. Ouais. En plus ça s'appelle Love Yourself. Ça ne peut que parler d'amour. Mais c'est Fab, il est dans son délire. Et ça parle pas, ça parle de quoi? En fait pas du tout, ça parle d'une rupture. Ça parle de mode. Oh non, si. Pourquoi tu gâches les choses comme ça? C'est la vérité. Donc en fait t'as tout le monde qui drague dessus, même tous les mecs et dessus, même tous les mecs et tout. Et en fait au final ça parle d'une rupture. Donc... On a le truc en français? Oui, c'est celle-là. C'est une vague. Je sais malgré moi d'avouer que j'ai eu tort. J'ai pas mon temps à trahir sans voir ce qu'il m'arrivait. Je peux te dire, je serais mieux seul pour dormir. Oh là, si tu plus de place dans le lit. T'imagines? C'est hard, hein? Mais c'est dégueulasse. Ah oui, mais enfin, c'est totalement le contraire de ce qu'on pense. Et attends, et nous on est là, on fait des bisous dessus. Et t'as l'autre qui dit laisse-moi dormir tout seul ce soir. Je serais mieux dans mon lit tout seul, casse-toi. C'est pour ça qu'elle est mieux en anglais. Barre-toi. Je rêverais qu'il y ait quelqu'un qui chante en belge, tu vois. Dis barre-toi un peu ici parce qu'il n'y a pas de place dans le lit. Tu casses les bobos, ouais. Et bien maintenant on va parler de Alan Walker. Donc je sais que c'est ta chanson favorite. Where are you now? Voilà, donc ça c'est là, mon dieu. On l'a pas l'original? Ah voilà. Qu'est-ce que c'est bien ça? You fade away. Un truc comme ça, quoi. Et donc t'as tout le monde qui danse sur cette musique en boîte et tout, mais ça parle aussi également d'une rupture. Mais donc, ça va, toi? Qu'est-ce qu'ils ont tous à se séparer? Bah oui, en fait, c'est toutes les chansons anglaises pour l'instant, ça parle de rupture, de relations qui tournent mal et tout. Ouais. Et en fait, en version française, ça donne ça. Nous étions l'ombre et la lumière. Tu disparais comme emporté par le courant. Je veux nous voir. Elle veut quoi? M'avoir. Elle veut la voir. Articule, elle dit, on comprend rien. Mais où es-tu? Ici, je suis là. Laisse mentir sur la mer. Donc, elle raconte nawak, la meuf. En fait, où es-tu sous la mer? Parle d'une relation qui ressemble un petit peu à une relation qui va tomber à l'eau, donc en dessous de la mer. Non, ça c'est le Carolo et l'explique le corps. C'est dégueulasse. Et la dernière chanson? Mais donc pour terminer, c'est Nicky Jam et Enrique Iglesias, donc El Pedro. El Pedro, original. Et bien ça. Et donc c'est espagnol, c'est sexy et tout. Tout le monde emballe sur cette musique et voilà, mais en fait vraiment pas du tout. En fait la musique elle parle aussi d'une rupture, donc t'as un peu un top 3 des ruptures. D'accord. Voilà. Et donc en gros, elle veut juste en fait retrouver sa copine de base, quoi. Ton copain de base. Voilà. Et sinon, Kéké, t'as un message à nous faire passer aujourd'hui? Non, ça va les amours, toi? Toujours bien. Bon, et vous savez quoi? C'est vous qui votez. Est-ce que oui ou non, on refait une chronique du genre avec Kéké? L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. L'Happy Hour, ils seront de retour juste après les vacances. Il y a le Sarah le Salove qui débarque et c'est Laurence qui va lever sur. Sur la finale de l'UFC aux États-Unis. Ok, Kaufman va râler. Sur la nouvelle tendance qui s'appelle le fishbras. On en parle juste après les infos. Fun Radio. Fun. Solde en électroménager chez Kitchen Market. Plancha, fraise agrumes, croque-monsieur pour moins de 40 euros. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Fun. Les infos, c'est avec Carlo, les 18h. Salut Carlo. Ah, excuse-moi, Carlo. Voilà. Oui, c'est mieux comme ça. Salut à tous. C'est tout d'abord bonne fête à nos amis flamands, puisque nous sommes le 11 juillet, jour où on commémore la victoire des milices bourgeoises flamandes contre l'armée française de Philippe le Bel en 1302 à Courtrai. À l'occasion de cette fête, Geert Bourgeois, ministre président flamand, a dit constater que le fossé entre flamands et wallons se creusait à nouveau, que la Belgique est en fait constituée de deux pays et qu'en 2019, à la fin de l'actuelle législature, donc, il allait falloir revoir une nouvelle fois la constitution, histoire de donner plus de pouvoir encore aux régions. D'ailleurs, Geert Bourgeois est un membre éminent de la NVA qui rêve donc d'un bye-bye Belgium, mais encore le politologue flamand Dave Sinardet, ça ne restera qu'à l'état de rêve. dans la Libre Belgique, ce prof de Sciences Po à la VUB à Saint-Louis explique que chez nos voisins, il n'y a que 5% malheureux de séparatistes, alors qu'ils sont un bon tiers en Écosse et de 40 à 50% en Catalogne. Pour Dave Sinardet, les choses sont donc très claires. Il y a de moins en moins de soutien populaire à un projet d'indépendance. Au contraire même, il y aurait de plus en plus de Flamands souhaitant une refédéralisation des compétences, c'est-à-dire plus de Belgique. Et aujourd'hui, les gens en Flandre osent le dire ouvertement, sans se faire traiter de Belgicains ou d'antiflamands. Je ne sais pas ce que Bardo Weaver pense de ça, mais ça ne doit pas lui faire spécialement plaisir, j'imagine. Pour suivre, je vais m'adresser aux jeunes qui n'ont pas trouvé de job de vacances malgré leurs efforts. Rien n'est perdu, comme le rappelle la boîte d'intérim Manpower. Son porte-parole explique qu'il y a toujours des désistements de dernière minute et donc des opportunités à saisir. Et puis de nombreuses entreprises aujourd'hui travaillent en flux tendu, c'est-à-dire qu'elles se décident à engager au dernier moment, ce qui est généralement le cas dans les secteurs plus sensibles à la conjoncture et à la météo, comme l'agroalimentaire et puis surtout l'horeca. Je dis surtout parce qu'il offre pas mal de possibilités en ce qui concerne des jobs d'été. En sport, je ne reviendrai plus ici sur la victoire du Portugal sur la France en finale de l'Euro 2016 au football, ni sur le France bashing auquel on a eu droit pendant un mois. Et donc pour signaler qu'hier soir, l'arbitre ne semble pas vraiment avoir sifflé à l'avantage des Français, donc difficile de continuer à prétendre, comme l'ont fait de trop mauvaises langues, trop nombreuses mauvaises langues, que la compétition a été faussée. Cela dit, qui sait, peut-être qu'à Wimbledon, et là je parle évidemment de tennis, Andy Murray a acheté les arbitres et les juges de ligne pour gagner le tournoi, puisqu'il jouait dans son pays. Bon pays jusqu'au jour hypothétique où l'Écosse deviendra indépendante, en tout cas. Non, c'est évidemment de l'ironie. Dans ce sport, il n'y a vraiment pas moyen de tricher, surtout depuis la mise en place du système Hawkeye. Bref, Murray a donc remporté son deuxième Wimbledon hier après-midi en battant en 3-7 Milos Raonic, le tout premier Canadien de l'histoire à disputer une finale de Grand Chelem, en simple en tout cas. Et chez les femmes, Serena Williams a remporté un nouveau trophée aux dépens de l'Allemande Kerber, le 22e tournoi du Grand Chelem de sa carrière, record de Steffi Graf égalé. Fun Radio. Partez en vacances avec les conditions last minute de Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. Rendez-vous maintenant sur Volkswagen.be. On va râler dans quelques secondes, mais un point sur la météo, car l'eau, ça va se gâter dans les prochaines heures. Eh oui, demain, retour des orages, donc journée maussade, des nuages, des averses. Et alors, le tonnerre qui va gronder. Prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse en compagnie de David et du son de Calvin Harris et Rihanna. Salut. Fun. Fun Radio. Nos soldes, c'est jusqu'à moins 70% sur une sélection de cuisine d'expo. Cuisine Créfell, mon rêve, ma cuisine. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. Tout l'été, 17h-20h, on prend la route des vacances. C'est que du fun sur Fun Radio. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Everybody's watching her, but she's looking at you. Thank you. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. C'est la suite du son Dance Floor dans quelques secondes, mais maintenant c'est l'heure de râler et de lover. C'est mieux comme ça et on va commencer avec Laurence. Laurence, tu loves? Oui, alors j'ai lové la finale de l'UFC, donc il n'y a pas eu que la finale de foot ce week-end. Parce c'est quoi la finale de l'ULC hein? L'UFC. L'UFC, ouais. C'est un sport de combat hyper répandu aux États-Unis. Ok. Et donc voilà, ça a été suivi par beaucoup de téléspectateurs. Et donc Khalil Rountree, c'était un des deux gars qui combattaient donc pour la victoire. Et ben, en moment, en fait, il était vraiment à terre, ruée de coups et tout, vraiment presque KO. Et sa maman, en fait, elle l'encourageait à travers le grillage, mais elle criait vraiment super, super fort. Et à un moment, ça l'a vraiment énervé. Il lui a demandé vraiment, il a dit maman, tais-toi, or qu'il était vraiment ruée de coups. Ouais. Et après le combat, en fait, il lui a fait un petit clin d'œil sur Twitter en postant une photo d'eux en disant pardon de t'avoir dit de te taire. Je sais que si tu avais été dans la cage, tu m'aurais botté les fesses. Donc voilà, ça m'a fait rire parce que je me dis que voilà, le mec, c'est quand même un des plus baraqués et des plus forts des États-Unis, mais au final, il a quand même peur de sa maman et j'ai trouvé ça ouais. Beaucoup trop mimi, quoi. Tout le monde a tous peur de sa maman. Oui, hein, voilà. À moi, elle me fait fiston, relève-toi, tu prends pas de coups, pourquoi t'es par terre? Fiston, attends, Kaufman. Toi, tu râles, Kaufman. Ah oui, je râle parce que les internautes savent plus vraiment quoi inventer. Tu sais, il y a des tendances qui surgissent, ouais. À peu près toutes les deux minutes. C'est ça, oui. On est difficile ici, dans C'est que du fun. Et la nouvelle tendance qui a émergé, eh ben, c'est le fiche-bras. En quoi ça consiste? Le fiche-bras. Ouais, les femmes prennent un poisson pour se faire photographier, sauf qu'elles le mettent juste devant leur poitrine pour la cacher. Mais faut le trouver, t'as le poisson. Bah, il faut le pêcher, ouais. Mais il faut un gros poisson, des fois. Bah, écoute, si tu veux, je te montrerai mon gros poisson. Et donc, il y a déjà un compte Instagram de créé qui a plus de 110 000 abonnés. Et de là à dire que toutes les bonnes femmes sont maintenant des tons, hein. Oh non, arrête. Il n'y a qu'un pas, mais c'est pour ça aussi que je râle. Ah, d'accord. Tu vois, parce que je ne suis pas d'accord avec toutes ces nouvelles tendances qui nous polluent. Et en plus, ça ne rime à rien. Effectivement. Il y aura le Samsung Galaxy View à gagner dans quelques secondes. C'est la tablette la plus grande de Samsung, 18 pouces, 18,4 pouces. Ça sera gagné en envoyant Galaxy au 6322. Il y aura également le topito du jour, le top 5 des applications pour partir en voyage ou en vacances. On va être utile aujourd'hui dans C'est que du fun. On est ensemble jusqu'à 20h et maintenant, c'est le son de Kanye West. C'est un son un peu school, hein. Old school, ce qu'on appelle ça comme ça, tu vois. Old school, moi j'appelle ça vieille école, mais bon, on dit old school, non, normalement. Allez, ensemble jusqu'à 20h, c'est Kanye West. You take my money, well I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger, way over town, that digs on me. I ain't saying she a gold digger, I'm in need. But she ain't messing with no broke niggas. Tell me mine. Now I ain't saying she a gold digger, I'm in need. But she ain't messing with no broke niggas. I got get down, girl, gon' head, get down. I got get down, girl, gon' head, get down. I got get down, girl, gon' head, get down. I got get down, girl, gon' head. Yes, me cutie mine. The bomb, met her at a beauty salon with a baby Louis Vuitton under her underarm. She said, mine. I could tell you rock, I could tell by your charm. Fars, girls, you got a flock. I tell by your charm and your arm, but I'm looking for the one. Have you seen her? My psychic told me she'll have an ass like Serena, Trina, Gina, for Lopez. Four kids, and I gotta take all they badass to show this. Okay, get your kids, but then they got their friends. I pulled up in the Benz, they all got a Benz. We all went to den, and then I had to pay. If you fucking with this girl, then you better be paid. You know why? Take too much to touch her. From what I heard, she got a baby by Buster. My best friend said she used to fuck with Usher. I don't care what none of y'all say, I still love her. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead, get down. Get down, girl, go ahead. 18 years, 18 years.

Allez, le son qui fait du bien, c'est avec Mom. Et là, c'est l'heure du topito du jour, le top 5 des applications pour partir en voyage ou vacances. Kaufman, Laurence, vous utilisez quoi comme application quand vous partez? Moi, j'utilise TripAdvisor, Yelp. Ouais, ah, je l'ai dedans, ouais. Et c'est tout. Ok, Laurence. Moi, c'est plus Booking pour les hôtels. Très bien, allez-y au 3044 pour nous dire vos applications du moment. Cinquième position, ça s'appelle Liste de Voyage. C'est une application qui sert à lister tout ce qu'on a besoin pour partir en vacances. Mais c'est... Ah. Mais c'est prédéfini. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir oublier quelque chose parce qu'il y a, c'est déjà marqué, par exemple, chemise, valise, c'est marqué. Il y a marqué aussi enfant, hein, pour pas oublier les enfants. Il y a tout marqué dans cette application et ça s'appelle Liste de Voyage. En quatrième position, ça s'appelle City Mapper. C'est la meilleure application pour ne plus se perdre dans les transports en commun parce que quand on arrive dans un nouveau pays, c'est bien sûr l'angoisse en total. On ne sait pas quel tram prendre, quel bus prendre. Et bien, avec City Mapper, vous allez tout savoir et tout comprendre. C'est bon, Kaufman, t'as compris? Bah, surtout quand tu vas à Paris, hein, c'est difficile de s'y retrouver. À Paris, il y a plein de lignes. Infernal. Donc bien qu'ils ont lancé une nouvelle ligne là depuis hier. Ah ouais? La ligne de la défaite. Qu'il est con, tu as. En troisième position, c'est Yelp. Tu peux l'expliquer, Kaufman, ce que c'est? Yelp, bah, ouais. C'est un site dans lequel tu trouves plein d'adresses, hein, si je me trompe pas. Ouais, c'est les meilleures tables en fait pour manger. Et en deuxième position, j'ai Wi-Fi Map. Ça, ça va intéresser beaucoup de monde. C'est l'application la plus complète qui vous montre sur une carte les réseaux Wi-Fi qui sont disponibles. Et ça montre aussi les mots de passe pour certains qui sont protégés. Non. Si, je te jure, tu peux avoir directement les mots de passe. Comme ça, tu prends direct le Wi-Fi partout où vous êtes en vacances. Et l'application s'appelle Wi-Fi Map. Et en première position, c'est Tricount. C'est pour faire les comptes entre amis quand on part en vacances avec des amis. Il y a toujours un à qui a payé quoi. Et là, ça sert à calculer et à répartir comme ça par 3 ou par 4 les comptes. Comme ça, il n'y a plus d'angoisse avec, avec les amis. Comment ça s'appelle l'application? Tricount, pourquoi? Tricount. Tricount, ah, c'est un plaisir ça. Tricount. Ça s'appelle Tricount, la vérité. Tricount. J'étais au sentier, ça m'a fait plaisir. J'ai attendu Tricount. Le Fun Game débarque dans quelques minutes, on a encore plein de cadeaux pour vous. Ça se passe juste après Mom sur Fun Radio. C'est que du fun, c'est entre 17h et 20h. So lover, which way have you moved? It's been a while since I've had these grooves. Cosmic love gave you something gold, so you wrap it all up and take it. Suddenly it's all real, suddenly it's how you feel. You're free now, somehow. Suddenly it's all real, suddenly it's how you feel. You're free now, you're all you have to give. The unknown. Something more. Radio. Fun Radio. Fun Radio. Bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Set it. You see that girl with the big tic tac, she feel gimme the, head to the floor, girl, gimme the, bend over, girl, and gimme the, spit down to the ground, seismic activity, spin round me, girl, and gimme the, top wine, girl, and gimme the, body look fine, girl, gimme the, coming out, waste some time, girl, gimme the, body look good, girl, you ever be winning it, turn it up right, girl, you never be dimming it, take up your body, cause you're in your element, funny body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Make the trumpets blow. Sing it on a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two buckle of the bubbly, bubbly. Call in two friends and then double, double. Girl so hot, she a bubbly, bubbly. And she know when she got, she a carry me remedy. Body look good, girl, you ever be winning it. Turn it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Pony body, me take up a permanent president. Trumpets blow. C'est le son qui suit sur Fun Radio. Il y aura aussi le fun game avec Kaufman. On va parler de quoi, Kaufman? On va parler, bah, je vous l'ai dit, hein, de la femme qui me fait pleurer. Pourquoi? Parce que je l'ai jamais eue et je ne l'aurai jamais. Elle s'appelle Lara Croft, elle nous vient des jeux vidéo et elle reviendra au cinéma bientôt. On vous explique tout dans le Fun Games. Très bien, ça se passe juste après la radio perd le contrôle. On écoute les autres radios, on repère les erreurs. Et on vous les diffuse. Et oui, la radio perd le contrôle sur Fun Radio. Et la radio a perdu le contrôle sur Radio Tam Tam. L'animateur a du mal à finir sa phrase. Et il patauge, il patauge, il patauge. Et voilà un instant le morceau de Jane qu'on vient de s'écouter. Ça met de bonne humeur. On peut... Merci bien, c'est gentil. Sur Radio Contact, un chroniqueur est censé lire les messages Facebook, mais il les retrouve pas, du coup il essaye de nous embrouiller, mais ça ne fonctionne pas. Oui, eh ben justement, il y a beaucoup de messages par rapport, donc tu le disais, à cette sauce. Et puis par rapport à la petite chronique tout à l'heure de Lucille concernant est-ce qu'on fait du bruit en mangeant. Eh bien, en fait, attends, est-ce que tu as des messages ou pas? Oui, j'ai des messages. Oui. Faut pas m'arnaquer. Hein, fais pas les ensorer. Hein. La faculette. Non. Florence nous dit par rapport donc à cette séquence de Lucille. Oui, ça va. On a compris. En fait, il avait jamais de message de type. Et sur Vivacité.

17h et 20h. Profitez, c'est que du fun sur Fun Radio. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. À suivre sur Fun Radio. Et là, c'est l'heure du Fun Game avec Kaufman de Smart Toys. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. J'avais pas menti. Non, allez, Kaufman. Allez, on le sait depuis le mois d'avril, c'est Alicia Vikander qui incarnera le personnage de Lara Croft dans le prochain film consacré à l'archéologue la plus connue du jeu vidéo, à savoir Lara Croft, donc dans Tomb Raider. Désormais, on connaît aussi la date, et c'est ça la grande nouvelle, la date de sortie américaine en tous les cas, puisque le nouveau film Tomb Raider sortira le 16 mars 2018. Ah, 2018. Ouais, aux États-Unis. Information dévoilée par le site américain Variety, okay, qui a souvent des bonnes infos. Et si on s'en souvient, Tomb Raider avec Angelina Jolie, comme Lara Croft, avait quand même rapporté 432 millions de dollars à la Paramount. Wow. Donc c'est un film qui est fortement attendu par les geeks comme moi, mais aussi les autres. Et en Belgique, ça va être avril, non ? Bah oui. Et généralement, il y a combien? Il y a un mois de décalage. Maintenant, il y a de moins en moins de décalage, en fait. Ah, ok. Donc, ouais, on peut le voir courant mars 2018, alors. Ouais. Bah, faut voir où on sera en mars. Est-ce que 2018. ça sera mêlé avec un jeu vidéo? Un nouveau oui, jeu vidéo? Ça sera très, très proche. Parce qu'il y a un studio de développement qui va superviser le film, qui s'appelle Crystal Dynamics, qui est déjà à la base de jeux vidéo. Donc, la vision, à mon avis, sera très, très proche du dernier Tomb Raider. Il sortira sur PlayStation 4 bientôt. Très bien, donc merci Kaufman pour cette info. Il y a encore un cadeau à gagner d'ici une heure. Oui, il y aura un jeu vidéo. On vous laissera le choix entre choisir entre Rocket League version ouais. collector sur PS4 ou la rare collection, une collection de plus de 30 jeux sur Xbox One. Ça sera à vous de choisir. Très bien, il y aura également les meilleurs moments de la Power. Ça se passe juste après Milo. Only at the Moon, sur Fun Radio, c'est que du fun jusqu'à 20h. Summer ago, I found it in Monaco. Dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, driving a classic car. Cuba is not so far, I can bring my guitar. Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be summertime, take me back to Hawaii, skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So won't you fly with me at dinner in Sicily? Be who you wanna be, right where you wanna be. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over. Débarque sur Fun Radio. Allez, avant 19h, c'est l'heure du meilleur moment de l'Happy Hour, l'appel bourré de Fab qui connaît autour de la table Laurence Kaufmann. Moi. Ah, explique alors. Il appelle soit des commerces, soit des restos et il fait semblant, je dis bien, il fait semblant d'être complètement bourré. Et puis généralement ça part en cacahuète. Ouais, c'est ça. Et là il a appelé la coiffure Dallas et on écoute ce que ça donne l'Happy Hour, les meilleurs moments. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Fab boit un petit coup de trop. Attention, l'alcool avec modération, mais bon, Fab n'a pas de limite. Ouais, et donc le truc c'est qu'il commence à ennuyer les gens, il les appelle et il commence à poser des questions débiles. Alors aujourd'hui t'as embêté qui? Je suis tombé sur des coiffeurs, ils s'appellent Dallas. Comme Dallas. Univers impitoyable. Mais moi j'ai téléphoné pour qu'ils me disent qu'est-ce qui se passait avec Bobby. Bobby c'est qui? C'est... Parce que moi j'ai jamais vu Dallas. Bobby et Wing. Bobby et Wing, c'est des cow-boys? Oui, c'est le gars, il se bat contre JR. D'accord. C'est celui qui tient tête à JR. Et donc, si j'ai bien compris, t'as appelé un coiffeur pour lui demander ce qui s'était passé dans l'épisode. De Dallas. Coiffeur, t'es Dallas. Complètement malade, c'est parti. Bonjour. Ah, Bonjour. Allô, madame. Oui, bonjour. Oui, bonjour, que puis-je faire pour vous? C'est bien Dallas au téléphone? C'est ça, le salon de coiffure Dallas. Voilà. Moi, je m'appelle Fab, madame, je suis un ami de Sue-Hélène. Elle a fait pas mal de soirées ensemble. J'appelais pour savoir déjà comment elle va et je voulais prendre des nouvelles Je pense pas qu'il y a une Sue-Hélène ici, monsieur. Ah si, il y a une Sue-Hélène, il y a un Bobby, bien et sûr. Oui, et il y a un JR. Il n'y a pas de Bobby ni de Sue-Hélène, monsieur. Je pense que vous êtes trompé de numéro. C'est bien Dallas. Oui, c'est bien Dallas. Eh ben alors, ils doivent tous être là. Parce que, en fait, je vous explique. JR, il n'a pas été très gentil avec Bobby. Écoutez, monsieur, écoutez-moi. Il n'y a pas de Bobby ni de Sue-Hélène ou je ne sais quelle histoire. Ici, c'est un salon de coiffure. Est-ce que vous désirez prendre rendez-vous? Non, moi, je vous ai dit, vous écoutez pas, madame. Moi, je vous ai dit que... Écoutez, monsieur, oui. Soit vous prenez un rendez-vous, soit on va devoir se quitter et couper la conversation. Parce qu'ici, on a des clients, on n'a pas de temps à perdre. Je veux juste prendre des nouvelles de Bobby. Je sais que hier, il n'a pas été... Monsieur, oui. Je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de Bobby ici. Alors, regardez peut-être si chez JR, dans son bureau... Je travaille ici, je sais qui sont les employés. Oui, mais non, vous n'avez pas besoin de travailler. Moi, je connais la famille Wing, ils sont blindés, ils font du pétrole. Écoutez, monsieur, ça devient assez gênant et assez chiant. Donc, soit vous prenez rendez-vous, soit on va devoir se quitter. Il n'y a pas de Bobby, il n'y a pas de Sue-Hélène. Et je fais mon travail, donc j'essaie de répondre au mieux pour les clients. Et là, ça commence à être gênant. Alors, moi, je vais prendre rendez-vous avec Bobby, alors, s'il vous plaît. Comme ça, il va m'expliquer. Monsieur, vous êtes sympa. Vous avez bu, vous êtes sous, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça devient assez chiant. Un petit peu. Monsieur, si vous pouvez éviter d'appeler les gens qui essaient de travailler en étant saoul, ça m'arrangerait. Non, mais c'est parce que moi, je vous ai dit, je suis un ami comme de Sue-Hélène, et elle et moi, on aime bien picoler. Écoutez, il n'y a pas de... Monsieur, je vais commencer. Monsieur, il n'y a pas de Sue-Hélène, il n'y a pas de Bobby. Vous avez bu, vous ennuyez ceux qui essaient de travailler. Donc, moi, je vais raconter. Moi, je regarde Dallas depuis que je suis tout petit. Je les connais tous. Ici, c'est un salon de coiffure qui s'appelle. Oui, peut-être entre autres Dallas comme la série, mais ça n'a rien à voir. Comment ça sert à rien à voir? Donc maintenant, je vais raccrocher. Pourquoi? Et vous allez éviter d'emmerder les gens. Les gens? Mais ils emmerdent personne, moi. D'accord. C'est Dallas, mais, moi, je vais prendre monsieur, des nuits. Non, c'est au revoir. C'est fini. C'est fini? L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. L'Happy Hour qui sera de retour juste après les vacances. Nous, c'est que du fun. Mon prénom, c'est David. Je suis entouré de Kaufman et Laurence. Et on a encore plein de choses pour vous. On aura du fun game et des cadeaux. Oui, on vous fera gagner un jeu vidéo, soit PlayStation 4, soit Xbox One, qui vous sera offert par le magasin Smart Toys. Merci Smart Toys. Il y aura également le pourquoi du comment et la question du jour. Alors, pourquoi nous ne sommes pas sensibles à nos propres chatouilles? Ah oui? Attends, je vais tester un peu pour voir. On va chatouiller. Ah ouais, ça me fait rien. Ça te fait rien. Hein. Alors, je suis très chatouillé pourtant. Il y a également la Samsung Galaxy View à gagner. Mercredi, grand tirage au sort pour gagner la plus classe des tablettes du marché. Votre tablette Samsung Galaxy View, plus de 18 pouces. Vous écoutez Summer Fun le matin d'entre 6h et 9h. Et nous, c'est que du fun entre 17h et 20h. Et vous allez pouvoir gagner la tablette à un écran 16/9 Full HD 18,4 pouces. Pour la gagner, c'est très simple. Vous envoyez Galaxy, G-A-L-A-X-Y, par SMS au 6322. Galaxy au 6322. Vous pouvez y aller dès maintenant. Et je fais un tirage au sort mercredi, comme ça les amis. Vous êtes au taquet, d'ici mercredi, envoyez Galaxy. Plus vous envoyez de Galaxy, plus vous avez de chances de gagner la tablette qui coûte 650€. Je suis en train. Premier Galaxy envoyé au 6322 et j'ai toutes mes chances. Ouais, t'as toutes tes chances, Kaufman. Avec ton fond, c'était pas mal ça pour mettre la Galaxy View sur ton fond. Elle fait tablette aussi. Elle est tactile aussi. Je vais te laisser essayer. Très bien, je vais en parler à ta copine alors. Allez, il est bientôt 19h, c'est l'heure des infos. Fun Radio. Soldes en cuisine équipée chez Kitchen Market. De 20 à 50% de réduction et déjà une cuisine à moins de 2000 euros. Kitchen Market. Les idées plein la cuisine. 19h, c'est les infos avec Carlo. Salut Carlo. Allô Carlo. Salut David. Salut à tous. L'image de l'Europe est loin d'être optimale, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Un rejet qui s'est notamment traduit par le Brexit, voté le mois dernier. Les populations du vieux continent accusent régulièrement l'Union de ne pas se soucier d'elle et d'être à la botte des grands financiers qui feraient la loi. Une chose est sûre en tout cas, c'est que ce n'est pas l'engagement de José Manuel Barroso chez Goldman Sachs qui va les faire changer d'avis. Barroso, c'est un ancien président de la Commission européenne et Goldman Sachs, c'est un puissant groupe bancaire américain. Cette nouvelle a provoqué une vague d'indignation partout en Europe. Ainsi, par exemple, chez nous, Paul Magnette, ministre-président wallon, a tweeté, je cite, « Barroso recruté par Goldman Sachs pour services rendus à la finance aux dépens de la démocratie et de la solidarité tellement prévisible. » Fin de citation. On peut dire en tout cas que le timing n'est pas génial, alors que l'Union européenne traverse la plus grosse zone de turbulence de son histoire. Les europhobes ou autres eurosceptiques vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Ils ont d'ailleurs déjà commencé. Lundi, on peut reprocher beaucoup de choses aux banques, et on ne se prive pas de le faire, hein, notamment quand elles aident les rupins à planquer leur argent à l'étranger histoire d'éluder l'impôt, alors que c'est avec l'argent des impôts qu'on a sauvé les banques en 2008. On peut leur reprocher beaucoup de choses, donc, mais elles peuvent encore être utiles à l'occasion, même que selon la Banque Nationale, elles n'ont jamais accordé autant de crédits qu'à l'heure actuelle. Crédit de plus de 120 milliards d'euros aux entreprises en 2016, un record qui indique que les banques n'ont pas oublié le rôle qui est le leur en matière de soutien à l'économie. Et les ménages ne sont pas oubliés, hein, loin de là, les prêts leur étant accordés ont atteint 203 milliards d'euros fin mai. C'est près de 10 milliards de plus que l'an dernier à la même époque. À 17h, j'évoquais la guerre civile qui secoue le Soudan du Sud depuis 3 ans maintenant. Eh bien, celle qui sévit en Syrie dure depuis plus de 5 ans, elle, et on ne voit décidément pas le bout. Hein, même que ce matin, les groupes rebelles ont lancé une vaste offensive contre les secteurs d'Alep aux mains du régime. Il faut savoir que la ville d'Alep dans le nord du pays est divisée depuis 2012 entre les quartiers aux mains du gouvernement et ceux contrôlés par les groupes rebelles. Il se fait que la semaine dernière, ces derniers se sont vus couper leur seule voie de ravitaillement, d'où cette offensive majeure sur 4 fronts, mais qui n'a pas permis aux rebelles de progresser vu les intenses bombardements aériens du régime sur les zones de combat. Et bien évidemment, les civils morflent autant, si pas plus que les combattants, vu que les roquettes ne les distinguent pas très bien. Enfin, vu l'actu sportive très chargée ces derniers jours, les championnats d'Europe d'athlétisme sont passés un petit peu inaperçus. Et c'est d'autant plus dommage que la Belgique s'y est très bien débrouillée avec 3 médailles, 2 en or, 1 en argent. L'or pour Thomas van der Plaatsen au décathlon, je vous en parlais vendredi, et pour le relais 4 x 400 mètres. Les trois frères Borlée ont une nouvelle fois été au sommet, donc la médaille d'argent va celle de Philippe Milanov au lancer du disque. Dans un mois, place aux Jeux Olympiques, et là, l'athlétisme passera nettement moins inaperçu. Fun Radio. Partez en vacances avec les conditions last minute de Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. Rendez-vous maintenant sur Volkswagen.be. Avant le jeu du blackjack, on fait un point sur la météo. Quel temps demain, Carlo ? La météo pour demain, pas terrible, avec le retour des orages. Figurez-vous, une journée particulièrement maussade, avec des températures qui devraient péniblement atteindre les 20 degrés. Et voilà, que ça ne vous empêche pas de passer une excellente soirée. Je vous retrouve demain à midi et vous laisse en compagnie de David et du son de Boosty. Salut. Les soldes XXL avec en plus le service Krefel, c'est dans nos 75 magasins et sur krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Maintenant. Retrouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée. Partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio. Et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. Tout l'été, 17h-20h, on prend la route des vacances. C'est que du fun sur Fun Radio. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, on ne sera plus jamais seul. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, on ne sera plus jamais seul. Accroupi à pleurer dans un coin de mon appartement, je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant. J'ai beau réaliser que ma nouvelle pièce est cool, je commence déjà à m'étouffer dans ce 10 mètres carrés. Diplômé, indépendantisé, je ramène des copines, coquines, mais je fais que teaser. Non, je veux pas être trentenaire, je rêvais d'une indépendance, mais là j'en tremble. Cause I don't wanna be alone, I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. On and on and on and on. Feet are on like water. Je me balade dans la rue de ma ville. Je tape dans les canettes vides, ça me fait baler. Tout le monde est speed, je me sens tellement inutile. Franchement faut changer d'attitude. Pas un seul employeur ne s'intéresse à mes aptitudes. Prisonnier et déshumanisé. J'ai cru pouvoir tout gagner, mais je ne sais pas miser. Non j'ai pas une vie droit, mais pourtant mes parents pensent que j'accumule les victoires. Cause I don't wanna be alone, I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. On and on and on and on. We don't like it. Je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul. Même si nos vies sont casse-gueule, et je ne serai plus jamais seul. Tu ne seras plus jamais seul, et on ne sera plus jamais seul, ouais. Yeah. Et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, et on ne sera plus jamais seul, même si nos vies sont casse-gueule. Nelson Dancefloor et Cashmere à suivre, et maintenant c'est l'heure de jouer au Blackjack. Et pour jouer au Blackjack, j'accueille Bilal qui est avec nous. Salut Bilal, ça va? Ouais, ouais, ouais, salut tout le monde. Salut Bilal. Ça va bien Bilal? Ça va, et vous l'équipe? Ouais, nous ça va, autour de la table Kaufman, ça va? Tranquille, Laurent Tendu. Ouais, ça va super bien. Bah impeccable alors. Tranquille le... Kaufman, tranquillou. Tranquille. Tranquille et détendu, la France a perdu. On s'en fout, hein. On est pour les Belgiques, nous. Le Blackjack, le principe du jeu, Bilal, je dévoile des cartes une par une. Et pour dévoiler une carte, tu as qu'à me dire encore. Et si la somme des cartes est comprise entre 18 et 21, t'as gagné un pack film. Mais si la somme est comprise à 21 piles, tu gagnes un jeu vidéo. Ok, Bilal? C'est parfait, ça. C'est parfait. Allez, la première carte que je vais dévoiler, c'est un 6. Encore. Encore, très bien. Je dévoile donc une deuxième carte pour toi, Bilal. Deuxième carte, c'est un 4. 6 plus 4, 10. On est bien autour de la table. Très bien. 10, on continue ou pas, Bilal? On continue. Allez, deuxième carte, troisième carte. Attention, c'est un 8. Ça fait... Ah bah c'est déjà gagné. Ça fait 18. Oui. Ah. Bilal, maintenant, ouais. T'as un dilemme. Ouais. T'as un dilemme pour toi. Tu as 18. Okay. Tu peux dévoiler une autre carte pour faire 21 et gagner le jeu vidéo. Oh my god. Oh my god. Est-ce que tu vas tenter l'autre carte, Bilal? Ça veut dire que tu mets le chiffre au-dessus de la terre, oui, et perdu comme une merde. Quoi. C'est mort. C'est ouais. Perdu. Une grosse merde. C'est une pire merde. C'est exactement ça, oui. En même temps, on fait qu'une fois. Hein. Ok. Je gagne quoi maintenant? Là, tu gagnes un pack fun. Pack fun. C'est tendu. Alors Bilal. 3, 2, 1. C'est quoi? Je retente, je m'en fous, je retente. Ah, il est fou. Je suis un homme, moi. Ah, j'aime ça, Bilal. Allez, on est à 18. I'm a king, motherfucker. La dernière carte que je vais dévoiler. Oui. C'est un 5, Bilal. Ah, ça fait 23, Bilal. 23. 23, c'est perdu, Bilal. 23. Et voilà, comme je t'avais dit, j'ai perdu comme une grosse merde. Tu peux retenter ta chance dans quelques jours, t'inquiète pas, Bilal, ça va? Ok. Mais je voulais dire encore une chose. Dis-moi. J'ai gagné 2 packs fun, je pense. Avec Vince, mais ça n'a rien à voir avec vous, non? Ouais. Non, ça n'a rien à voir avec nous, mais si tu veux. Moi, je connais pas, c'est qui Vince? On connaît pas la maison, c'est qui Vince? Non, mais tu peux voir ça. Vois ça avec Coralie, ok? Ok, Coralie. Ça va? Ok. Allez, bonne soirée, Bilal. Salut. La suite, c'est avec le pourquoi du comment. La question du jour, Laurent, c'est... Mais en fait, je me suis demandé pourquoi on était insensible à nos propres chatouilles. Ah, la réponse juste après Cashmere et Maître Gims sur Fun Radio. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin. Thank you. Radio. Fun. Fun Radio. Ici ça fait de la zigme juste pour déconner. Watch up. Chez toi ça sert de ce pour des cabriolets. Watch up. Des tonnes de sang de surplus, je sais plus quoi donner. Watch up. J'attends toujours celui qui. Arrive sur Fun Radio, don't be so shy. D'ici 20h, il y aura le pourquoi du comment avec la question Laurence. Pourquoi nous sommes insensibles à nos propres chatouilles. Voilà, il y aura aussi le fun game avec le cadeau du jour. C'est quoi Kaufman? On parlera, on vous offrira un jeu vidéo sur PlayStation 4 ou Xbox One. Ça sera donc Rocket League Collector ou la Rare Collection qui est une collection de plus de 30 jeux sur Xbox One. Il y aura aussi les meilleurs moments de la Power. Tout ça, ça se passe juste après. Imani, ne bougez pas, surtout si vous êtes en voiture. Hello party people, nous c'est Jules et Tom. Ouais, on a toujours pas réussi à avoir de tickets pour Tomorrowland cette année. Du coup, on a construit le nôtre en maquette. Ouais, genre un mini Tomorrowland avec des figurines de tous les pays. Ouais, là, regarde, une Suédoise. David Keita, I love you. Et si on l'appelait genre Adriana? Oh ouais. Oh ouais, attends, soulève-lui son t-shirt. Oh. Elles font toutes ça les filles en festival, non? Tu crois? Bah ouais. Oh ouais, ok, ouais. Tu préfères le vrai? Tente de gagner une expérience Tomorrowland exclusive et le jackpot loto avec l'auto surprise. Le son Dance Floor. Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. And as far as

nouveautés. New music. Découverte Fun Radio. Le groupe norvégien Madcon forme un duo avec le français Willy William. Et ça donne ça. C'est sur Fun Radio. C'est que du fun jusqu'à 20h. You know. Keep my cool. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. Ça me rend fou. Et je suis censé rester cool. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. Ça me rend fou. Et je suis censé rester cool. Ooh. Et je suis censé rester cool. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh. Ça me Comment veux-tu que je garde le contrôle si tu viens me tester? Tu es tout le temps en train de faire en sorte que je pète un plomb et tu le sais, tu le fais exprès. Je fais des efforts et toi t'es pas content. Je prends sur moi quand tu prends les devants. Surtout, ça me rend fou. Tu fais ta princesse pour le size. Je me demande si t'es là pour ma maille. Je m'en fous. Mais quand je te vois, je suis censé rester cool. Ma belle, t'es pas du genre à venir en taxi. Le chauffeur t'a déposé toi et ta beauté. Mat le tapis que je suis en train de te dérouler avec classe. Mais je n'ai pas le temps, car un minute tout s'efface comme Cendrillon. Si le courant passe, mon carrosse est devant, mais. Et je suis censé rester cool. So fresh and so clean. Try and get a vibe, but keep it low key. I said don't worry, the drinks is on me. And how to keep cool when this chick is so real. Yeah, blown off the beat. Repeat to myself, keep cold when you meet her. Don't need to get drunk to talk, but with that juice in your truck. How am I supposed to keep my. Martin Solveig sur Fun Radio. Je vous le cale dans quelques secondes, mais avant c'est le pourquoi du comment avec Laurence. Alors explique-nous Laurence, pourquoi le pourquoi du comment? Alors le pourquoi du comment, bah, on se pose tous les jours plein de questions et on va pas forcément chercher la réponse. Donc du coup moi je décide d'aller chercher la réponse pour vous. Très bien. Et la voilà. Question du jour, c'est. Alors, c'est de savoir pourquoi on est insensible à nos propres chatouilles. Ah ouais, c'est vrai. Je sais pas si vous savez. Non, moi je sais pas. Le Kaufman, une idée. Parce qu'on est pas con. On sait quoi. C'est parce que ça, je pense en plus, non? Bah, c'est à peu près ça. Ouais. Donc, on a déjà tous chatouillé quelqu'un. On s'est déjà tous fait chatouiller et on a même déjà tous essayé de se chatouiller soi-même. On a remarqué qu'en fait, ça fonctionnait pas. On rigolait pas du tout. Mais en fait, il faut savoir que le rire provoqué par les chatouilles, c'est simplement un mécanisme de défense instinctif. Donc pour montrer en fait sa soumission à l'agresseur, pour qu'il arrête tout simplement. D'accord, c'est une façon de dire arrête. Ouais, voilà, c'est ça en fait, c'est instinctif, on contrôle pas. Mais du coup quand on chatouille soi-même, eh ben le corps il y est préparé, il le sait très bien. Et donc du coup il y a pas d'effet de surprise, donc le corps anticipe et du coup il y a pas de mécanisme de défense instinctif. Donc okay, du coup il y a pas de rire. Ah ouais, okay, c'est pour ça. Juste pour faire partir en fait l'agresseur, en tout cas le mec qui me chatouille quoi. C'est ça. Ah, c'est une bonne idée ça, je vais faire ça quand quelqu'un m'agresse. Ah, je vais rigoler devant lui, je pense pas que ça le fasse fuir par contre. Dans le Fun Game dans quelques secondes, Kaufman en a des cadeaux. Oui, on offrira au choix un jeu PlayStation 4, il s'agira de Rocket League Collector, ou un jeu Xbox One, la Rare Collection, une collection de plus de 30 titres sur Xbox One. Préparez vos SMS au 3044, ça va se passer avec une question. Oui, il va falloir aujourd'hui découvrir un jeu vidéo, mais je vous rassure, pour commencer la semaine. Ouais. Donc on a été sympa, on a été tranquille sur ce coup-là. C'est un jeu vidéo emblématique. Ok, très bien. Ça se passera par palier de questions, c'est voilà. ça? Voilà, on aura 3-4 paliers et au fur et à mesure, on donnera de plus en plus d'indices afin de vous faire découvrir le jeu vidéo en question. C'est parfait, on en parle juste après Martin Solveig. C'est que du fun jusqu'à 20h. Martin Solveig, allez maintenant c'est unique. Elle sera notre invitée d'ici quelques semaines, unique sur Fun Radio. D'ailleurs, notre invitée demain, c'est Kick Hoffman. Henri PFR. Ah, il est au courant, celui-ci, Laurent, vous savez aussi? Ouais, je le savais, bien sûr. Henri PFR, DJ belge, il viendra mixer avec nous pendant une petite quinzaine de minutes, vingtaine avec de minutes. Avec nous, il va mixer tout seul. Oui, oui, parce qu'avec nous, ça ne serait pas gagné sinon. Il est avec nous donc demain, Henri PFR. Mais maintenant, c'est l'heure de jouer avec Kaufman. Pour gagner quel cadeau, Kaufman? Pour gagner soit le jeu PS4 Rocket League Collector, c'est un peu un principe assez sympa. C'est une partie de foot. Ouais. Sauf que tu joues pas vraiment au foot. Ok. Tu es dans ta bagnole. Ah oui, oui. Et tu joues au football avec avec ta bagnole. Ou une collection de 30 jeux qui ont marqué un petit peu l'histoire du jeu vidéo. Avec la rare collection, ça c'est pour si t'as une Xbox One. Très bien, d'accord. Je prends les deux, c'est possible. Écoute, va falloir négocier. Pour gagner tout ça, il faut donc répondre à une question que Kaufman a préparée. Oui. On est prêt pour dire le début de la question, seulement le début de la question. Oui, et il va falloir donc trouver un titre de jeu vidéo. Si okay. vous avez la réponse, bah, vous nous l'envoyez au 30 44. Si vous faites vos propositions, on vous dira aussi si c'est ça ou pas. Hein. Oui, bien attention. Sûr. Et donc, le premier, il y a 4 paliers. Ouais. Et le premier palier, on va juste dire que c'est une série de jeux vidéo d'action-aventure. Il y a une série de jeux vidéo d'action ou d'aventure. Allez-y au 3044 pour gagner vos jeux vidéo sur PS4 ou Xbox One. Ah, c'est deuxième. Pas facile. Ouais, avec deuxième, un premier indice. Donc, je répète, vague. Série de jeux vidéo d'action-aventure. Et qui a été créé par les concepteurs japonais Miyamoto et Takashi. Ah ouais, on a compris là. Pour les connaisseurs, le nom de Miyamoto, va céder comme un déclic. Ah ouais, faut bien connaître quand même, je pense, le jeu, parce que moi, je vois pas ce que c'est là. Allez-y au 3044. On me dit Mario. Est-ce que c'est Mario? Non, c'est pas Mario. C'est pas Mario. Donc allez-y, donnez votre réponse au 3044 pour gagner vos jeux vidéo. Est-ce qu'on a un autre indice? C'est possible? Bah, si tu veux, maintenant, oui. Ça a été, c'est un jeu qui a été, une série de jeux qui ont été produits par Nintendo. Ok. Ouais, je suis toujours dans le flou. Je récapitule. Une série de jeux vidéo d'action-aventure produite par Nintendo et créée par les concepteurs japonais Miyamoto et Takashi. Takashi, d'accord. Pas de problème. On donnera un dernier indice beaucoup plus évident, celui-ci. Bien sûr. Dans quelques secondes, ça se passe juste après Unique avec Merci. Il est 19h33, nous sommes en direct jusqu'à 20h. C'est que du fun. Sexy, watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Shy guy, I'm the onesie, onesie, onesie. Only he can make me ayavre, ayavre, ayavre. Fire, bang, bang dans le cœur des hommes. J'aime quand tu lis entre mes lignes. Pas que tu touches, mais que tu m'imagines. Je slalom entre toutes tes belles paroles. Je l'ai fini tout sur le bas-côté. Pas besoin d'un homme pour exister. Parler, parler, t'as beau parler, parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver. Oh, oh, oh, oh. Oh Lord, have mercy, mercy, mercy. The money, them in a party, party, party. The all of them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Shy guy, yeah, me onesie, onesie, onesie. Only he can make me ayavre, ayavre, ayavre. Fire, sur tous ces beaux parles-là. Apprends à voir ce que j'ai dans les pupilles. Ce qui te casse tous mes talons aiguilles. Et je m'envole, non, personne ne m'impressionne. Même si ton regard me déshabille. Même si tu sais viser dans le milieu. Parler, parler, t'as beau parler, parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver. Oh, oh, oh, oh, oh. Baby, baby, let it go. Mets de côté ton ego. Essaie de voir sous ma peau. Cette fois, je t'emmènerai dans mon monde. Dans ma lumière, dans ton monde. Si tu sais marcher dans mes pas. Dans quelques secondes, c'est Maten. Et là, on a des cadeaux à vous faire gagner avec Kaufman. Tu peux rappeler le jeu Rocket League, je crois, c'est ça? Rocket League en version collector. C'est, ça, c'est pour, de la... préciser, pour la PlayStation 4. 4. Ouais. Et sur Xbox One, on a une collection de plus de 30 jeux à vous offrir. Pour ce faire, il faut découvrir le titre qui se cache derrière... Ta question mystère. Ouais. Les indices que je vous donne. Le premier indice que je vous ai donné, c'est une série de jeux vidéo d'action-aventure. Puis, on a parlé des créateurs, des concepteurs. Ils s'appellent comment? Miyamoto. Shigeru Miyamoto, Takashi. Tu veux le faire galérer. Ça a été produit, et c'est d'ailleurs toujours produit par Nintendo. Un autre indice. Attends, on va déjà prendre des réponses aux 3044 qui sont arrivées. On me dit Lara Croft. Est-ce que c'est la bonne réponse? Ce n'est pas la bonne réponse. On me dit également Pokémon. Non. Ce n'est pas la bonne réponse. Le numéro qui finit par 17 a la bonne réponse. Le numéro qui termine par 43, par 35 également la bonne réponse. Est-ce qu'on peut découvrir le dernier indice? Un dernier indice? Ouais. Ok, bah alors... on va juste parler du héros. Un petit héros, un petit bonhomme vert qui s'appelle Link. Il s'appelle Link. Si vous avez une idée, allez-y au 3044. Il s'appelle Link, ok. Moi, je vois déjà à peu près qui c'est. Laurence, ouais, tu vois aussi. Ou moins, quand même. Est-ce que c'est un homme avec une épée? Oui. C'est ça? Oui. Il est blond, non? Il est blond, je sais pas. Oui, et il va sauver une princesse. Ah ouais? Elle s'appelle comment, la princesse? Bonne question. Ouais, je sais pas, je me posais la question, tu vois, Zelda avec la princesse, je savais pas comment elle s'appelait. Moi, j'y jouais avant sur Game Boy, je crois, c'est ça, Kaufman, non? Oui, tout à fait. Il y a eu 15 épisodes, je pense, dans la série dont on parle. Et un des premiers épisodes est paru sur Game Boy. Son héros s'appelle Link. Et donc, il faut connaître, il faut trouver plutôt le titre du jeu dont on parle ce soir. Très bien, il s'appelle Link, le héros. Allez-y au 3044 pour gagner vos jeux PS4, vos jeux Xbox One. Il s'appelle Link, c'est une épée. Son nom, le nom du jeu vidéo, c'est quoi? C'est en 5 lettres, hein, c'est ça, Kaufman, 5 lettres. Et tu veux que je te dise pourquoi je peux pas te dire le nom de la princesse? Parce que c'est le nom du jeu, non? Exactement. Ah, d'accord, ok. Et le nom du jeu, ça commence par un Z. J'ai donné beaucoup d'indices, on est bon, hein? Oui, je pense qu'on est bon là. Ok, on prend les gagnants juste après Maten. Donc allez-y, vous avez le temps de la chanson de Maten pour jouer au 3044 et gagner vos jeux vidéo. Allez, nous on retourne juste après Maten pour prendre le gagnant. Et les meilleurs moments de la Happy Hour, c'est que du fun jusqu'à 20h. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Mico C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest clubbing. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique, c'est sur Fun Radio. Yo, what up? This is my station. Fun Radio. Fun Radio. La Sun Dance Floor. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup. C'est que du fun sur Fun Radio. Dua Lipa, ça débarque sur Fun Radio avant 20h. Et demain, on aura un invité exceptionnel. Il s'appelle Henri PFR, DJ belge. Pour ceux qui ne connaissent pas, eh ben Henri PFR, ça donne ça. J'aime bien ce son là. Il fait partie de la nouvelle génération hein, de talents belges. Ils savent tout faire, ouais. Ces gens, ils savent mixer, ils produisent, ils sont excessivement accessibles. C'est vrai. Et c'est eux qui nous représentent maintenant sur la scène musicale, plutôt avec talent. Mais ils sont très très bons, hein. Henri PFR qui est très jeune. Alors je vais découvrir son âge avec vous. Attends, Henri PFR, je crois qu'il a, il a 20 ans, un truc du genre. Henri PFR, c'est il ça. Il est plus jeune que toi. Ouais, il est plus jeune que moi, je crois. Il a 20 d'années, Henri PFR. C'est très bien. On a eu Alex Germis la semaine dernière. Là, Henri PFR, on est vraiment dans des bons DJ belges en ce moment. Et on est ravis qu'il soit aussi talentueux, ces DJ belges. Avec Hoffman. T'avais un cadeau à faire gagner ? Oui. C'était quoi le cadeau ? C'était soit un jeu PlayStation 4, soit un jeu Xbox One. Et je pense qu'on a quelqu'un. Effectivement, on a Fabio qui est avec nous. Allô Fabio ? Oui, allô ? Ça va bien ? Salut ! Salut Fabio ! Ça va, vous ? Bonjour. Ouais. Il est un peu gêné. Bonjour, bienvenue. Vous êtes qui ? Laurence, Kaufmann, moi c'est David, enchanté. Kaufmann avait dit une question et t'as posé une question. La question c'était ? Je la répète, hein, avant ouais. Que tu nous donnes ta réponse. C'est une série de jeux vidéo d'action aventure, une série qui a été conceptualisée par Miyamoto et Takahashi, une série produite par Nintendo, une série qui a connu 15 épisodes ouais. Sur toutes plateformes confondues. Et son héros s'appelle Link. Alors Fabio, quelle est ton idée à toi ? Oui, alors j'ai répondu Zelda. Zelda, attention, la machine va vérifier. Fun Radio Dance Club. Et bravo Fabio, bien c'est gagné. Bravo. Yeah. Bravo. C'est bon. C'est bon, je l'ai. Et bim, et bim. Les gars, ils passent, famille, je l'ai les gars, c'est bon. PlayStation 4 ou Xbox One ? Pardon ? PlayStation 4 ou Xbox One pour toi ? PlayStation 4. Eh ben, on va t'envoyer Rocket League Collector, tu connais le principe ? Oh oui, sympa. Ah bah, si on peut faire plaisir, la vérité, c'est pour nous, t'inquiète pas. Bonne soirée, Fabio. C'est cool, merci beaucoup. Bisous, bye. Et d'ici mercredi, j'ai encore un gros cadeau à vous faire gagner. C'est la Samsung Galaxy View, écran 16:9, Full HD, 18,4 pouces. C'est la plus grande tablette du marché, ça coûte 650€. Vous pouvez vous inscrire en envoyant Galaxy au 6322, G-A-L-A-X-Y, Galaxy au 6322 et je prends un gagnant mercredi. Donc allez-y, plus vous envoyez des SMS au 6322, plus vous avez de chance de remporter la tablette qui coûte 650€. Mais là, on va finir avec les meilleurs moments de l'Happy Hour. L'Happy Hour, c'est avec Audrey, Sandro et Fab. Et là, Audrey a eu reçu un coach sportif. Et Audrey, le sport, c'est un peu compliqué, hein, on le connaît dans la famille. Hein. Ah, écoute, on connaît bien, ouais. Elle aime manger, c'est comme moi, mais elle aime pas le sport, c'est comme moi. Vous avez beaucoup de points communs, dis donc. Allez, nous, on se retrouve dès demain avec Henri PFR. Salut, bonjour. Et bonne nuit, Kaufmann. Je pensais qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Il fait salut, bonjour, je me suis dit. J'ai regardé, j'ai fait salut, il s'est retourné. Non, c'est pour toi, je disais salut. Ben, salut, l'ami. Salut, l'ami. Allez, Laurence, bonne nuit, Laurence, bonne soirée. Bonne nuit, bonne soirée. Et ressortez bien, il fait soleil, ça va pas durer, demain il pleut, donc allez-y, barbecue profitez. Et compagnie. Allez, on vous laisse avec la PO. Demain, ciao, ciao, ciao. Écoutez, ça s'est passé dans la PO Hour avec Audrey sur Fun Radio. On est avec Arnold qui est dans l'émission aujourd'hui. Yes. Comment dire, Arnold, ça me fait plaisir de te voir et en même temps, ça me fait pas plaisir du tout. En fait, Arnold, il est coach sportif. Et sa mission, c'est d'essayer de nous préparer parce qu'on va participer avec l'équipe de la PO Hour à l'Insane Run. Ça se passera ce samedi du côté d'Herculine. En gros, c'est une course où il y a plusieurs parcours. Il y a le parcours de 7 km et de 14 km où là, c'est des parcours avec des obstacles en mode je suis un guerrier, tu vois. Et puis t'as le parcours de 21 km où il faut tracer et courir non-stop. Genre là c'est par contre ça va être drôle. Les vrais professionnels, tu vois, genre les vrais sportifs. Rassure-moi, c'est pas pour nous ça. Non, on va faire le 7 km. Et déjà ça franchement c'est énorme, 7 km quand tu fais pas de sport. On fait jamais de sport Arnold, faut pas déconner quand même. Et donc aujourd'hui, tu m'as préparé un petit exercice pour moi parce que j'ai essayé de me débiner parce que hier c'est Sandro qui l'a fait. Et ouais. Aujourd'hui, j'ai pas réussi à négocier donc c'est moi qui vais devoir m'y coller. Donc tu m'as préparé un petit exercice spécialement pour toi. Bon alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors vas-y. Donc je vais te montrer l'exemple. Ok, montre-moi l'exemple Arnold. Non mais au moins ça va me faire rêver un peu de voir un vrai corps de sportif faire les exercices. Donc alors je vais devoir me mettre en mode pompe. Ouh, ouais. Et que... Oh, je descends les coudes. Ouais, t'es emballé, toi. Ah ouais, donc ah oui. En mode, en fait, pompe, et alors je dois descendre les coudes au sol et les remonter. Ouais, mais t'inquiète pas, tes seins vont toucher le sol avant tes coudes. Mais, Fab, c'est pas vrai. Bon, ok, allez, Arnold, c'est bon. J'essaye. Les gars, oh, allez-y, si jamais. Oh là là, c'est allez. Vous les chefs de l'antenne, moi je suis occupé. Allez, vas-y, fais ton sport. Vas-y, alors, Audrey. J'ai pas envie, quoi. Ah, je suis curieux de voir allez, ça. Allez, descends. Moi. Descends oh, déjà, oh, mets-toi à genoux, ça sera déjà pas mal. Voilà. Voilà, alors Audrey, t'es déjà à genoux. J'arrive même pas à faire une. Mets-toi en position normale. Arrêtez de me mettre la pression. Allez, go. Je suis pas sportive déjà à la base, alors voilà. Ça se voit pas du tout. Heureusement que vous avez pas la vision hein, chez vous. J'arrive. Allez, alors Audrey se met en position, elle descend sur ses coudes et remonte sur ses mains. Allez, c'est pas mal, elle se débrouille pas mal. Mais c'est pas très sportif tout ça en fait. Elle a... toi, toi. T'as pas la classe d'un sportif. On dirait la naissance d'un petit veau. Ouais, c'est ça. Voilà. Allez, tu montes et tu descends. Alors, vraiment, si vous êtes coach, venez donner des cours sportifs à Audrey. C'est bon, Ardal, c'est fini. T'as pas autre chose? C'est bon, félicitations, franchement. Merci. Hey, t'as pas autre chose? T'as cru que t'étais chez toi, toi? Ouais, moi, je veux bien, là. Attends, j'en peux plus, moi. Attendez, il faut que je... Oh là là là là, elle a fait trois pompes, ça y est, elle se sent plus. On continue ou... Ouais, on continue. Encore un. Allez, Arnold, s'il te plaît. Vous faites trop les malins, vous, sérieusement. Vas-y, Arnold. Non, mais fais un truc facile aussi. Ah, le deuxième, ouais. Alors attention, il prend une chaise. Attends, donc je vais. Ah non, et il va l'éclater sur la tête d'Audrey. Non, mais je sais pas si vous, de l'autre côté de la radio, vous êtes du genre sportif, mais qu'est-ce que c'est difficile de faire du sport. Oh là là là là. Oh là là, j'aime pas ça. J'ai quoi. Peur, moi. Bon, alors la chaise, qu'est-ce que je dois faire? Il y en a un qui doit tenir les jambes. Et t'as okay. Cru qu'on était au cirque ici? C'est la boîte thaïlandaise, hein. c'est une position du Kama Sutra, en fait. Ah oui, quand même. Donc en gros, il y a quelqu'un qui va me tenir les jambes. Moi, je vais me tenir sur la chaise et je vais faire des triceps, c'est ça? Mon dieu, qui c'est qui me tient les jambes? Je pense que c'est Arnold. Hein. Tenir. Allez, Arnold. Ouais, Arnold, vas-y, tiens-moi les jambes. Bon. Alors, elle est assise sur la chaise. Hey, tais-toi, toi. Vas-y. Alors, c'est déjà une bonne chose. Elle est assise sur la chaise. Alors, elle a les mains tendues. Alors, elle descend. Allez, descend. Voilà. Et toutes mes pensées vont à cette pauvre chaise. C'est ça. Excusez-moi, est-ce qu'on a des chaises solides au moins? Alors, vas-y, descend. Il faut faire fonctionner les bras, Audrey. Oh là là là là. Hey, tu rigoles ou quoi? On dirait un accouchement. Mais c'est ça le problème. Je suis au bout de ma live là, sérieusement. On sera jamais prêt. Vas-y, te plaît. Ouais, give my five. Mais elle a dû lui faire croire qu'elle a réussi aussi. J'ai plus d'oxygène. Ça se voit pas du tout. On était bien là, on mangeait des chocolats et tout. Là, maintenant, le sport ça va pas du tout. Ça, je suis pas d'accord avec ce truc. Tu crois qu'on sera prêt pour samedi ou pas, Arnold? Franchement, non. Mais. Merci Arnold. Non mais dis la vérité, c'est bien. Tu veux dire que franchement j'ai... non. Tu veux dire que j'ai fait ça pour rien? Non, t'as pas fait ça pour rien. Mais si quand même. T'as fait ça pour la chaise. Arnold, moi j'ai tout donné, je me suis mis à quatre, enfin pas à quatre pattes, mais j'ai fait des pompes, j'ai fait des triceps, je me donne à fond. Les femmes souvent, si elles veulent réussir, elles doivent se mettre à quatre pattes. Fab, sors du studio. Non, c'est bon, tu saoules. Allez, sors. Tu saoules avec tes vannes de macho, là, c'est bon. Casse-toi, vas-y. Sors. Quoi? On te dit de sortir, la madame. Je comprends pas. C'est pas possible, ça. Allez, mec, tu prends pour qui? Que ici c'était la fête ou quoi? Vas-y, tu sors. T'es trop fort, Fab. Et j'ai les chocolats. Bon, Arnold, merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Merci. Et puis, si vous voulez participer justement à l'Insane Run qui se passera du coup ce samedi du côté d'Herculine, venez sur la page de l'émission Happy Hour avec Audrey. Je vais vous mettre toutes les infos. Donc, je rappelle qu'il y a trois parcours, celui de 7 et de 14 km en mode obstacle et tout ça. Et puis celui de 21 km si vous êtes un jogger habituel. J'en peux plus, moi, je suis au bout de ma life, sérieusement. Sinon, Audrey, ce que je propose pour samedi, ouais, c'est que t'attendes les auditeurs à l'arrivée. Et ça, c'est bien. À donner les bouteilles d'eau, tu vois. Voilà, j'ai trouvé une activité, c'est génial. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. He calls me the devil, I make him wanna sin. Every time I knock, he can help but let me in. Must be homesick for the real, all the real estate gets. Probably still adore me with my hands around your neck. Can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from? Yeah. It's the darker side of me that makes you feel so numb. 'Cause I like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Man, the answer. Prayers, I'll give you the pleasure of heaven, and I'll give. heaven. We all gotta get fed. Can't let me know I'm on tape. Can't let me in your head. I'm not here to make a deal, but it's praise that I get. You ain't gonna walk free, boy. Not finished with you yet. No, can you feel the warmth? Yeah. As my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from? Yeah. It's the darkest side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not. Then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'm giving you the pleasure of heaven. I'll give it to you hotter than hell. C'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Un enfant, ça fait du bruit. On comprend rien quand il parle. Alors, imaginez quand il chante. C'est le Baby Blind sur Fun Radio. J'étais si bien là. Oh. J'étais obligée de me sortir de mon petit fantasme. Regarde Fab. Réalité. Bah ça marche pas là. Tu veux que j'enlève mon t-shirt ? Non, ça ira. Non, c'est bon. Sinon, tu vas me faire ton choco là, c'est ça ? Comme ouais, tu parlais tout à l'heure. Le bouffi bouffon, c'est ça. Genre, et qu'est-ce qu'il faisait ce choco ? Genre, il ouvrait le. Il enlevait son bide. T-shirt et puis il secouait son ventre, il faisait des vagues. Oh, et c'est comme les mecs, ça c'est dégueulasse, je vous jure. Je suis sortie une fois avec un garçon. Après, on fait le baby blind, ne vous inquiétez pas, mais qui en fait avait un petit ventre, ouais. Enfin, un gros ventre quand même. Et en fait, il faisait parler son ventre. Il faisait parler son ventre. En fait, il prenait ses deux parties de brûlée. Ah, c'est horrible. Quand j'y repense, ça me dégoûte. Il reprenait ses deux parties de brûlée et alors il faisait comme si c'était une bouche. Et il faisait parler son ventre. Mais viens faire un bisou, Audrey. Tu comprends pourquoi je suis célibataire au final? Je ne veux plus jamais revivre des choses pareilles. Et tu discutais avec lui ou pas du tout? Ouais, ouais, je disais, toi, ça va? T'as passé une bonne journée? C'est son ventre qui me répondait. Non, vraiment, on passait des bonnes soirées. On s'amusait bien, c'était nickel, franchement. Bien qu'à y repenser, ça me rend malade. Bon, on va faire le baby blind là maintenant avec du pack fun à la clé. Si vous voulez repartir avec du cadeau, c'est le moment ou jamais. Alors, le baby blind en gros, bah, c'est simple. On a mis un casque sur les oreilles d'un enfant et on lui a demandé de chanter ce qu'il entendait. Si vous avez une idée du titre ou alors de l'artiste, vous m'envoyez tout ça au 3044 et moi en échange, je vous file votre pack fun. Écoutez bien. Comment tu peux trouver, elle dit rien. Attends, remets-le une fois. Non mais désolé mais ça va pas t'aider hein. Pardon. Bah, ok, mais tu me dis là, mais ça me dit rien de plus. Hein. Excusez-moi, mais vous avez trouvé tous les deux ? Ouais. Ouais. Genre. Bah, bah si, ouais. C'est connu, c'est dans les mariages. Tu vas dans quel mariage, toi ? T'es sérieux ? Bah. Donnez la première lettre alors, si vous faites les malins. G. G ? Ouais. G. G. G. I. Attends, c'est français ou c'est pas français ? Bah, voilà. Ils ont pas vraiment de nationalité. J'ai fait sur internet, mais de je sais pas. Tu parler. Mais ils chantent en français ? Non, ça c'est pas du français, c'est de l'espagnol. De l'espagnol ? Ouais. De l'espagnol ? C'est de l'espagnol. De l'espagnol, de l'andalous. Ils en fait, voient comme ça. Tu vois, c'est comme quand en examen oral, tu reposes la question pour essayer de gagner du temps. Ouais ? En fait, c'est des Français originaires du sud de la France. Faut savoir, ils ont eu leur papier après, mais voilà. En vérité, c'est pas des Français. Hein. Tu peux le remettre une fois la question pour essayer de gagner du temps, ouais. En fait, c'est des Français originaires du sud de la France. Faut savoir, ils ont eu leur papier après, mais voilà. En vérité, c'est pas des Français. Hein. Tu peux le remettre une fois, Sandro, s'il te plaît. Moi, je veux. Voilà, merci. Là, oui, ça m'aiderait, ouais. C'est un peu le Kenji Girac de l'époque. Ah, bah justement, mais c'est un groupe, on, hein. On nous a dit Kenji Girac là au 3044. Mais c'est pas ça, du coup. Non, c'est ses oncles. C'est ses oncles. D'accord. Bon, bah écoutez, si vous avez l'idée de la réponse, allez-y. Hein. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Cheerleading.